et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit « Le vieux est bon ».